Ça peut, ouais, moi je vais l'en rajouter aussi, là, ce que vous m'avez dit, là. Ok, c'est beau. C'est la chronique du soccer avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com. Plusieurs nouvelles cette semaine, très intéressant. On en parle avec Benoît. Salut Benoît! Salut Yann Radio Sport! Et évidemment, la grosse nouvelle, c'est Rémi Garde, qui est le nouvel entraîneur-chef de l'Impact. Rémi, Joey Saputo qui avait prévu quand même, ou qui avait promis un entraîneur de renom. Et il a tenu promesse, en plus, il parle français, donc comment tu as trouvé ça? Ben, je trouve ça très intéressant pour le club de l'Impact de Montréal. Puis comme on avait mentionné, je pense qu'il faut que l'Impact passe à un autre step. Puis je crois que ça va donner une ouverture, en tout cas, du côté français, du côté francophone. Ben oui, c'est surtout ça. L'Impact travaillait beaucoup le marché italien avec de par leurs origines et puis aussi le côté argentin. Maintenant, lui, il va amener un autre esprit certain au sein de l'Impact de Montréal. Puis comme il a mentionné en conférence de presse, on sait qu'il a parlé de mettre l'accent sur le jeu offensif, ce qui était très intéressant aussi, puis de mettre l'accent aussi sur la possession de balle, tu sais, de garder le ballon et pas s'en débarrasser. Fait que c'est déjà deux éléments importants. Puis il va juste avoir l'ajustement d'Ami avec la MLS. C'est sûr qu'il va avoir un ajustement à faire au niveau de la Ligue MLS. Là. Ouais, c'est clair. C'est une grosse... Est-ce que d'après toi, il va y aller avec on parle de plus en plus qu'il va embaucher il pourrait embaucher quelqu'un qui connaît la Ligue. Donc un gars comme Patrice Bernier, qui lui, ça n'en est jamais caché, aimerait être entraîneur. Commencer avec un gars comme Rémi Garde, ça pourrait être une solution, ça. Oui, mais je sais pas s'il est trop tôt pour Patrice Bernier. C'est quand même très frais, là, il vient de terminer sa carrière avec le club. Je sais pas. Ce serait un bon candidat, mais est-ce qu'il est prêt, je sais pas. C'est peut-être trop tôt aussi. L'avenir nous le dira. Mais c'est du positif en tout cas. C'est sûr qu'il va y avoir la saison morte, là. Il va y avoir à aller chercher d'autres éléments, d'autres joueurs. Et lui, ce personnage-là, Rémi Garde, a sûrement des contacts dans le football international et surtout français pour amener de la fraîcheur avec l'Impact de Montréal. OK. Donc, c'est très, très intéressant à suivre, évidemment, au cours des prochains. J'ai hâte de voir maintenant les joueurs désignés. Tu sais, tu as parlé tantôt, on en a parlé, j'en ai parlé souvent avec les experts, quand on avait un expert, c'était important d'investiguer le marché francophone. Ça n'a pas été nécessairement de grandes réussites, mais sauf que c'est un marché qu'il faut exploiter. Tu n'as pas le choix. Là. Oui, effectivement. Mais, c'est ça que l'Impact, Joe Saputo et probablement son staff administratif ont pris la décision d'y aller de l'avant avec ce nom-là. Et puis, c'est surtout qu'on a réussi à l'attirer. Et lui, comme il l'a mentionné, le club de l'Impact de Montréal, on sait qu'en Europe, c'est gros le football. Il y a beaucoup de clubs. Lui, il a entendu parler du club, surtout quand Didier Drogba a pris la décision de venir à Montréal. Ça veut dire que ses voix, quand même, l'acquisition de Didier Drogba, on a vu qu'est-ce que ça peut apporter par la suite. C'est juste dommage encore, cette histoire de fin. C'est là qu'on voit quelque part, un an plus tard, que peut-être qu'on est allé, on a mal travaillé le dossier Drogba. La preuve, est-ce que un gars comme Mauro Biello avait peut-être pas le niveau pour gérer ce genre de joueur-là? Ouais, c'est sûr. C'est les qualifications qui se continuent en fin de semaine, les qualifications pour le mondial. Et là, le Pérou pourrait se classer en fin de semaine, hein? Le Pérou, selon moi, tu sais, en Amérique du Sud, on prenait les quatre premières positions qui passaient direct. La cinquième, ça va en match de barrage. Ils vont jouer contre la Nouvelle-Zélande. Je crois que le Pérou devrait être capable de passer ces matchs-là. C'est les derniers matchs de qualification. Ça a commencé hier. Faut rappeler qu'en Europe, il y en a aussi. Il y a quatre séries de matchs aller-retour. Donc, hier, la Croatie a battu la Grèce et puis la Suisse, avec Diamali, qui justement était sur le 11 partant, ont remporté 1-0 contre l'Irlande du Nord. Donc, puis dans le côté, donc au niveau de l'Europe, il y a aussi l'Italie qui va jouer contre la Suède, un match aller-retour. Donc, les matchs sont de hier, aujourd'hui, samedi, dimanche, jusqu'à mercredi prochain. Et là, on aura nos 32 qualifiés pour Russie 2018. Donc, Italie-Suède, aujourd'hui, ça va être à surveiller. Et dans le continent africain aussi, où il y a des matchs, les derniers matchs de groupe, on prend les premiers de chaque groupe. Donc, il y a des encore de bons matchs à venir. Et il y a aussi dans notre CONCACAF, le Honduras qui va jouer contre l'Australie, qui eux se sont passés dans l'Asie au niveau de la troisième position. Donc, il reste quelques places pour la Russie. Et ça, c'est les derniers matchs de qualification qui se jouent en fin de semaine. Là. OK, OK. Puis le tirage au sort va être au mois de décembre, si je me rappelle bien, c'est ça? Oui, effectivement. Oui. OK, donc au mois de décembre, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Benoît, en passant, beau trip en parlant de la Coupe du Monde, tu t'en vas en Russie? Oui, effectivement. Beau moment là, que je vais vivre l'été prochain. Écoute, je te dirais que il y a des phases de tirage de billets. J'ai gagné la phase de tirage de billets. Comment ça marche? Tu t'en vas, t'as gagné la tirage. Tu t'en vas sur le site de la FIFA. La première phase, c'est que tu participes, tu t'inscris. Ça, ça te donne le droit. Ça donne le droit pour acheter des billets. Là, ça, c'est... Non? Oui. Mais moi, j'étais allé, j'étais allé en 94 voir des quarts de finale aux États-Unis. Puis en 98, je suis allé passer un mois là quand la France a gagné. C'est à partir de là que Espace Soccer a pris sa place un peu. J'ai parti le concept Espace Soccer, développé la culture foot. Mm. Et puis là, par la suite, là, je me suis inscrit à quelques fois à la Coupe du Monde. J'ai jamais été choisi. Mais là, pour cette coupe-là, au mois de septembre, ils ont ouvert la première phase de vente, de tirage. Et si la demande était forte, alors là, on faisait des tirages. Mais moi, j'ai demandé, pas n'importe quel match, Johnny, j'ai demandé deux quarts de finale, une demi et la grande finale. Fait que je m'attendais jamais à avoir une réponse positive. Et oui, la semaine dernière, j'ai reçu la réponse du site de la FIFA officielle que là, j'avais été pigé. Et là, ben, c'est parti, c'est enclenché. Fait que on va être à Moscou le 15 ou 16 juillet 2018 pour voir la grande finale de la Coupe du Monde. Ça veut-tu dire, Benoît, que si t'as été tiré et de la manière que tu t'attendais jamais à ça, ça veut-tu dire que les billets ont de la misère à se vendre? Je sais pas. On a parlé de 1,5-2 millions de demandes sur Internet qui ont été faites pour ça. 2 millions de demandes, puis ils en prenaient combien? Écoute, c'est la première phase. C'est la première phase. Parce que là, on dit, on s'entend que le tournoi dure un mois. Ouais. Fait que là, les gens sont à l'affût là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'affût sur le web. Alors là, combien est-ce qu'ils en prenaient? Il y avait un nombre de billets délimité pour ce tirage-là. Là, il y a une autre phase qui va commencer milieu novembre, qui va être premier arrivé, premier servi, je sais pas. Probablement que ça va être assez intense comme vente aussi. Et l'autre phase qu'il va y avoir, c'est que là, les équipes qui vont être qualifiées, les 32 qualifiées, ils vont à eux, exemple, la France, ben l'équipe de France a le droit à tant de billets pour les supporters puissent suivre l'équipe de France jusqu'au bout. Donc là, ils vendent des séquences de billets. Ça peut être pour tous les matchs de l'équipe nationale. Comme nous au Canada, étant donné qu'on n'est pas là, mais la fédération a le droit à un nombre de billets, mais c'est pas beaucoup là. Mais quand ta sélection nationale se qualifie, alors là, on ouvre la machine un petit peu plus au niveau des billets. Alors c'est un peu ça. Est-ce que la demande a été forte? Moi, ce que j'ai pu lire sur le site de la FIFA, on a parlé de 1,5-2 millions de billets qui avaient été demandés. Alors, peut-être que malgré les scandales qui ont eu lieu avec la FIFA dans les dernières années... Ça reste que le sport est bon pareil. Il reste que les gens aiment voir ces matchs-là, c'est ça. OK. Benoît, aussi, Espace Soccer, ton concept, prends une pause, comme qu'on pourrait dire. Oui. Oui, prends une pause. Il y a eu une annonce avec, tu sais, je veux remercier Timios Athanasiou, le grec, qui était au départ propriétaire du Resto Apollo. Okay. Et aujourd'hui, il n'était plus que le gérant, il travaillait là, plus un travailleur. C'est un peu grâce à lui que j'ai parti ce concept-là. L'idée du concept était là, mais lui, il a fait la place, il m'a permis d'aller là. Et ça a fait une belle collaboration depuis 2003. Mais là, et puis, en annonçant la fermeture du restaurant, il y a une nouvelle administration qui s'en vient d'ici le mois de mars, à peu près. Et on a parlé des gens de la microbrasserie du Lac-Saint-Jean, Saint-Génion, qui s'en viendraient à Alma. Alors là, il va y avoir des rencontres que je vais faire avec eux, voir s'il y a des possibilités. Sinon, ma réflexion va se faire à savoir si on continue ailleurs, on arrête direct, on va voir. Non, mais le web va continuer avec .com, sportsoccer.com mm. et la page Facebook et Instagram et ainsi de suite. Mais au niveau du lieu, on est en pause. On va prendre une réflexion, savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. OK. Benoît, ça parle dans deux semaines? Yes. Benoît Lavoie d'espacesoccer.com, la référence du soccer au Saint-Lac-Saint-Jean.